Chapitre 4. Le téléphone. Toute blanche dans son peignoir de nuit, les cheveux dénoués tombant sur ses épaules, les pieds nus dans les babouches, Mrs. Mangles se tenait toute droite dans l'encadrement de la porte. L'espionne, en la voyant apparaître, étouffa un cri de rage. Très calme en apparence, la femme du capitaine s'avança vers son mari. « Tranquillisez-vous, John, » dit-elle. « J'ai entendu tout ce qu'a dit cette femme. J'étais là. Le bruit de la porte m'a réveillé. Je suis monté, j'ai tout vu, tout entendu. « Dieu soit loué !» affirma Mr. Mangles. « Ça aurait été mon plus grand malheur que vous puissiez soupçonner mon patriotisme. » Dans son esprit ardent à concevoir le mal, l'espionne, un instant surprise, cherchait à présent une nouvelle manière de frapper et de nuire. Elle riposta. « Vous ne pourrez empêcher les juges d'avoir des doutes. Vous souffrirez quand même de votre orgueil d'épouse. » « Je n'ai pas à vous rendre compte de mes pensées, » répliqua sévèrement Mrs. Mangles. « C'est à moi, au contraire. C'est à nous à vous demander des comptes. John, » s'adressa-t-elle à son mari, « tenez Miss Gretchen sous votre revolver. Ne les quittez pas des yeux, je vais chercher. » Miss Gretchen pâlit légèrement, mais sans laisser paraître aucune émotion, elle déclara « À votre aise, fouillez tant qu'il vous plaira. Vous ne trouverez rien. Par la bonne raison qu'il n'y a rien. » « C'est justement ce qui fait ma force. Cherchez donc, Mrs. Mangles, cherchez donc. Nous allons voir. » Sans souci de la poussière, sans souci des nombreuses toiles d'araignées qui tapissaient ce réduit où l'on n'entrait jamais, l'épouse de l'officier se mit à fureter dans tous les coins. Elle dérangea de vieux meubles, ouvrit et souleva des malles, des paniers, fouilla sous des tentures. Les yeux de l'espionne ne perdaient pas un de ses gestes. Il la narguait et semblait lui crier « Vous ne trouverez rien. » Et si vous me dénoncez sans preuve, je serai vengé. » Tout à coup, un cri de triomphe fut poussé par Mrs. Mangles, auquel répondit un cri de terreur poussé par l'Allemande. « Une cachette !» La femme du capitaine avait gardé ses cheveux flottants sur ses épaules. En se baissant pour passer sous une poutre transversale, à 1,50 m du sol, un clou accrocha sa chevelure. Comme elle ne s'en aperçut pas tout de suite, elle continua à chercher en se baissant et fut soudain violemment tirée en arrière. La tension opérée également sur le clou fit s'ouvrir une toute petite porte dissimulée dans la poutre. « Une cachette !» répéta Mrs. Mangles. L'Allemande, cette fois, se vit démasquée et se sentit perdue. D'un bond, elle se précipita vers la porte. Une détonation l'arrêta, elle tomba à genoux. « C'est la règle, chez les bandits, de frapper le faible, d'opposer leur force à celui qui ne se défend pas, d'écraser sans pitié la victime qu'ils ont terrassée. Mais si, à leur brutalité, on oppose une énergie supérieure. Si l'ennemi qu'ils ont devant eux ne peut être vaincu, alors ils s'abaissent et cherchent à implorer la pitié de celui qu'ils auraient brisé sans l'entendre, s'ils avaient été les plus forts. » La balle effleura le genou de Miss Gretchen. Elle eut peur. « Grâce » supplia-t-elle. « Pas de grâce !» rugit le capitaine. « Recommandez-vous à Dieu !» L'espionne poussa un gémissement sourd et s'évanouit. « Vous l'avez blessé, mon ami ?» demanda Mrs. Mangles. « Non, Edith, » sourit le mari, « j'ai tiré à côté. » Elle a eu plus de peur que de mal, mais ne craignez rien. Au moindre mouvement de sa part, je suis prêt à tirer dessus. À l'étage inférieur, le bruit de la dispute et du coup de feu avait réveillé les domestiques. Mary, la femme de chambre, essayait de rassurer les enfants apeurés. Jack, le watchman du capitaine, grimpait vivement à la tour. « Jack, ligotez cette femme, bâillonnez-la. » Le domestique détacha d'une malle une corde qui la fermait. Il lia les pieds et les mains de l'espionne et lui noua fortement un mouchoir sur la bouche. « C'est fait, Captain. Bien. Dites à Mary d'habiller les enfants. Il faut que nous soyons tous prêts à partir dans une demi-heure. » Jack sortit pour exécuter les ordres. « Oh, voyez donc, mon ami, » remarqua Mrs. Mangles, qui continuait à examiner la cachette. « Voici un téléphone. Il y a aussi des tiroirs en bas, mais ils sont fermés à clé. » « Un marin a toujours sur lui un couteau à plusieurs lames. J'ai justement un tournevis et une lime. Nous allons voir. » Il fit une pesée sur l'un des tiroirs de la tablette qui supportait les récepteurs téléphoniques. Après quelques efforts, la serrure céda. Des papiers, écrits en langage conventionnel, se trouvaient à l'intérieur. Mr. Mangles les enfouit dans ses poches. Il fit sauter le second tiroir. Là, il ne trouva qu'un seul papier, mais combien précieux. C'était un duplicata du code des signaux au bas duquel étaient notés les appels variables pour le téléphone secret. À ce moment, un ronflement se fit entendre dans la boîte placée au-dessus de l'appareil de la cachette. Le mari et la femme se regardèrent, inquiets. Fébrilement, Mrs. Mangles consulta le code. « J'ai trouvé !» chuchota-t-elle. « Prenez les récepteurs et dites en réponse à la demande qui vous sera posée. Berlin !» Le capitaine changea sa voix, imitant de son mieux celle de l'espionne. « Berlin ?»« Paris !» lui fit-il demander. « Répondez Londres !» souffla Mrs. Mangles. « Londres !»« Bien, compris. Nous avons reçu communication de surveillance ralentie sur la côte et avis aux aides de changer sa direction. Il se dirige sur le point indiqué par vous. Y a-t-il du changement ?» Le capitaine hésita un instant. Mrs. Mangles n'arrivait pas à trouver la formule de la réponse. Le grelot de bois s'agita de nouveau dans la boîte du téléphone. « Eh bien ?» reprit la voix lointaine. « Eh bien ? Allô, Londres ? Paris ? Berlin ? Vous n'avez pas répondu à la question. Y a-t-il du changement ?» La femme de l'officier indiqua du doigt sur le code le mot à répondre qui signifiait « Aucun ». « On peut envoyer en toute sécurité ?»« Oui, compris. S'il n'y a aucun danger sur la falaise, vous placerez à votre poste d'observation le signal jaune. Le Z prendra la direction. Pas de bateau en vue ? Aucun. » « Compris, c'est tout. Berlin, Paris, Londres. » L'officier raccrocha les récepteurs. « Ma chère amie, dit-il à sa femme, vous allez pour cette nuit vous rendre à la ville et demander asile à votre mère. Partez avec les enfants sans perdre un instant. Jack conduira l'auto. » Le domestique revenait annoncer que les enfants étaient habillés. « Bien, descendez avec madame et faites vite. » Et... fit Jack en indiquant du doigt Miss Gretchen, ligotée et toujours évanouie. « Laissez ça ici, » ordonna le capitaine.